Vous pensez que Canadian Tire, c'est des outils, de la quincaillerie, de la peinture, du saisonnier. Mais nous avons aussi une multitude d'équipements sportifs offerts à très bon prix. Surveillez notre circulaire tous les jeudis pour en savoir davantage. Canadian Tire, commanditaire de l'équipe olympique canadienne. 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini. 418-276-2385 ou canadiantire.ca. Le propriétaire Ken Bennett souhaite la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette aux Jeux olympiques de Pyeongchang. On va parler de baseball avec notre collaborateur Jacques Doucet, puisqu'on va recommencer nos chroniques à toutes les semaines de baseball avec le part de nos collaborateurs Jacques Doucet, Marc Griffin et également Bruno Boudreau. Salut Jacques! Salut! Jacques, d'abord, évidemment, quand on commence à t'appeler, puis quand on voit des émissions sur l'NBA Network, ça veut dire que le printemps arrive à grands pas. Puis ça remonte de loin, évidemment, avec la Ligue des Pamplemousses, là. Ça, c'est le premier signe que l'hiver achève. Oui, parce que là, les camps d'entraînement s'amorcent. Mmh. Alors, c'est évident que dans quelques jours, là, les frappeurs, eux, habituellement, sont assez prêts. Ce sont des lanceurs auxquels il faut faire attention. Alors, dans quelques jours, là, je dirais d'une dizaine de jours, je crois que dans le cas des Blue Jays, leur premier match hors concours est le 23. Mmh. Alors, à ce moment-là, c'est là qu'on va voir s'il y a des joueurs qui ont progressé, s'il y a des joueurs qui ont guéri leurs blessures, s'il y a des joueurs qui ont été acquis et qui devraient aider les équipes qu'on va voir sur le terrain. Alors, ça sera très intéressant. OK. Jacques, il y a un gars qui a pris sa retraite cette semaine, qui est un peu le Jacques Doucet version anglophone, Jerry Howard, qui a eu une belle carrière de 36 ans à la radio des Jays. Oui. Donc lui a pris sa retraite. Ça n'a pas été une vie facile ces derniers temps parce que il a pas combattu un cancer, lui. Ben il a eu un cancer de la gorge, je crois. Oui, OK. De toute façon, sa voix était disons n'était plus la même. Et aussi, il commençait à être fatigué. Jerry, c'est pas un gars qui a une constitution très, très, très forte. Alors à ce moment-là, il a décidé de prendre sa retraite et il serait intéressant de voir qui va le remplacer aux côtés de Joe Sedor. OK. Il n'y avait pas Alain HB également qui était là à m'amener, lui, l'ancien... Ah oui, mais il est retourné avec les Astros. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Howard, c'est un gars qui est vraiment un professionnel. C'est un gars qui s'en va directement à Cooperstown, je pensais, mais là... Ben, je sais qu'il a été élu au temps de la renommée du baseball canadien, là. Oui, OK. Mais dans le cas de Cooperstown, ça, c'est une autre histoire. Moi, je peux en parler un petit peu. Effectivement. Es-tu, Jacques, content des changements des Jays? Moi, ça m'impressionne pas partout. À part le voltigeur des Cards, on dit que c'est un bon prospect. Ben, c'est pas un prospect, mais c'est un bon joueur. Par contre, souvent retiré sur trois prises. Oui. Moi, ça m'impressionne pas. L'hiver de... Ce qui m'impressionne, c'est qu'ils viennent d'aller chercher un vétéran lanceur gaucher. Ouais, c'est un quatrième ou cinquième partant, ça? Ben, c'est exactement ce dont ils avaient besoin, peut-être pour dégager Biagini et le retourner, je pense, où il peut mieux servir les intérêts de l'équipe en relève. OK, OK. Alors, avec un vétéran comme Amy Garcia, ça vous donne deux gauchers, Happ et Garcia, dans la rotation des cinq partants, avec Stroman, Sanchez et Estrada. Je pense qu'on est en bonne voiture. Et du côté de la relève, bien avec Osuna, Tapera, Barnes, si on ajoute à ça Biagini, et du côté gauche, possiblement Loop ou encore le jeune Meza, à ce moment-là, on commence à avoir un personnel de lanceurs qui est plus que respectable. Alors, de ce côté-là, disons que mes inquiétudes commencent à être calmées. Moi, j'avais beaucoup de crainte en ce qui concerne le cinquième partant, parce que je n'aimais pas vraiment voir Biagini dans ce rôle. Okay. Alors, on va voir exactement ce qui va se passer, là. Peut-être que, on pourrait peut-être donner quelques départs à Biagini au camp si jamais le vétéran Garcia n'accomplit pas ce qu'on attend de lui. Effectivement, effectivement. Jacques, deuxième receveur, ça n'a pas été... Non, mais il reste encore du temps, par exemple. Il reste du temps pareil. Oui, mais il y en a aussi qui poussent dans le... Oui, Danny Jensen, entre autres. Oui, surtout Danny Jensen, dont on dit énormément de bien. Mm. Et je suis persuadé, moi, qu'on va lui donner la chance de se faire valoir durant les matchs hors concours qui vont s'amorcer. Alors, parce que je pense qu'on veut donner le plus possible de repos au vétéran qui est maintenant Russell Martin. Ouais. Alors, il sera intéressant de voir de quelle façon le jeune Jensen va se débrouiller, parce que, ben, un petit peu comme toi, je suis persuadé, Mêlé ne m'inspire pas confiance. Non, puis regarde, je suis pas... je suis pas très entouché de l'idée de l'hiver de Ross Haskins. Moi, j'avais dit que le dossier qui était le plus prioritaire, c'était le dossier Donaldson, qui aurait fallu que, parce que tu l'échanges ou tu signes à long terme. Là, on a décidé d'y aller à court terme, puis moi ça m'impressionne pas. J'ai l'impression que ça va être un objet de distraction cet été, ça. Est-ce que je me trompe? Ça me surprendrait, parce que dans le cas de Donaldson, lui n'a pas à s'inquiéter. Non, il ne signe pas avec les Blue Jays. Ouais. Il va trouver preneur ailleurs, ça, vous pouvez en être sûr. Alors, dans le cas des Blue Jays, évidemment, on va regarder attentivement la progression des jeunes comme Guerrero et compagnie, là, parce que c'est éventuellement, surtout au prix qu'il va commander l'ami Donaldson, j'ai l'impression que les Blue Jays vont vouloir le remplacer. Et si tu vas chercher un jeune comme Guerrero pour d'ici un an ou deux, parce que je pense pas que ce soit cette année, mais peut-être l'an prochain, dépendant des progrès qu'il va réaliser encore cette année. Il sera intéressant de voir quelle attitude les Blue Jays vont prendre vis-à-vis Donaldson. Moi, j'ai prédit septembre pour Vladimir, Bichette. Non, pas si tôt que ça. Septembre, début septembre, là, pour le voir. On va le voir... Peut-être, mais écoute, il ne faut pas brûler les étapes. Danny, et puis je m'entretenais avec Philippe Allou il n'y a pas si longtemps, parce que le jeune Guerrero a joué dans le baseball d'hiver en République dominicaine, où Jesus Allou est le directeur gérant de l'équipe. Philippe me disait, soyez pas surpris si éventuellement le fils de Vladimir se retrouve comme son père au champ extérieur. Bon, je pense que ce serait logique dans le cas de Vlad, là. Maintenant, si on parle un petit peu des autres, des joueurs autonomes, hein, ça n'a pas signé cet hiver non plus. Là. On parlait de collusion. Écoute, les joueurs sont un peu à blâmer là-dessus cette année. Ils demandent tellement d'argent. Ouais. Et ce ne sont pas toutes les équipes qui sont prêtes à dire, bon, ben cette année, on met tous nos œufs dans le même panier et puis on va aller chercher un championnat. Alors, à ce moment-là, quand tu parles de contrat, surtout avec des vétérans lanceurs, il y en a plusieurs là, qui sont encore à court de contrat. Mais c'est parce que si tu t'en vas pas pour un championnat, vas-tu donner un contrat de 5, 6 ou 7 ans à un lanceur qui est vétéran et qui risque d'avoir une blessure? C'est très, très délicat pour les... Puis là, je pense que les équipes réalisent de plus en plus que des contrats à long terme pour des lanceurs qui ont dépassé la trentaine, c'est très risqué. Alors, à ce moment-là, c'est évident que les agents et les joueurs qui sont autonomes, ils vont se mettre à crier, parce que il y a été un temps où le marché des joueurs autonomes était une mine d'or pour tous ces gens-là. Mais là, je pense que c'est évident qu'on va crier, qu'il y a collusion, mais il ne faut pas oublier que c'est très facile de dépenser l'argent des autres et non pas le sien. Ouais, Alain Giroux me disait il y a quelque temps, puis il avait pas tort non plus, qu'il y a une nouvelle philosophie de directeur général qui arrive dans des universités, de la gestion du sport, et on va voir de moins en moins d'anciens joueurs comme directeur général. C'est possible, ça, disons que Alain fait beaucoup d'enquêtes à ce sujet-là. Ouais. Moi, je dois avouer que j'en ai pas fait beaucoup. Okay. Alors, à ce moment-là, je ne sais pas. Oui, il y a des gens qui se spécialisent dans les statistiques et qui adoptent de nouvelles philosophies. Ouais. Mais c'est pas garant d'un succès, ça non plus. OK. Jacques, tu pars pour la Floride la semaine prochaine, c'est ça? Oui, mon ami. OK. On va aller faire un petit tour au camp des Blue Jays, aller voir surtout le développement d'un gars comme Guerrero, aller voir aussi de quelle façon un gars comme Sanchez s'est remis de ses blessures de l'an dernier. Alors, il sera intéressant de voir le développement de ces choses-là, voir si Happ va retrouver... Oui. Jacques, j'étais en train d'oublier quelque chose qui est très important. Marcus Stroman a perdu sa cause en arbitrage. Oui. Il est très amer. Mais c'est normal, ça. Ouais. Écoute, les joueurs qui s'en vont en arbitrage ne devraient pas se présenter avec leur agent. Parce que c'est évident, tu t'en vas en arbitrage, tu demandes beaucoup d'argent, le club va essayer d'amplifier tes défauts. Ouais. On parlera pas de tes qualités. L'équipe, le directeur gérant ou le négociateur patronal ira pas vanter le joueur qui va avoir, je sais pas moi, 2-3 millions de plus, là. Ouais. Il va essayer de le déprécier. Alors, tous les joueurs qui assistent à ces séances-là en ressortent aigris et disent « Ah, c'est ça qui peut... » Mais on oublie une chose, là. Il voulait avoir 6,9 millions, il a ramassé 6,5. Mais alors, c'est pleurer, là. Non, mais c'est des insultes, puis je me rappelle... Mais oui, mais c'est ça, ouais. C'est pas le salaire. Écoute, le 400 000 de différence, là, c'est pas ça qui va faire la différence à la fin du mois. Mais c'est le fait de dire, ah, c'est ça que les patrons pensent de moi? Ah oui? Je suis pas bon là-dessus, je suis pas bon là. Mais on parle pas de mes qualités. Ben non, on peut pas parler des qualités, mais les agents ne préparent pas les joueurs à manger ces gifles-là devant l'arbitre. Mais c'est du déjà vu. Pedro Martinez, en train des expos... Ah, ben oui, c'est pas la première. Tous les joueurs passent par ce processus-là, mais ils ne se corrigent pas. Ils veulent aller entendre ce que l'équipe pense d'eux, puis ils en sortent amers. Ouais, ça, on va dire une chose, une fois que la cloche va sonner, là, ça va peut-être être plus bien. Ben, il n'y aurait plus beaucoup d'amertume. Là. Mm. On va se concentrer, puis on va dire, bon, ben OK, j'ai perdu un arbitrage cette année, on va me reprendre l'année prochaine. Jacques, un gros merci, on se reparle de Don Eden. Je vais te reparler dans 2 semaines, pour savoir un peu comment que ça a été avec Vladimir et comment que ça va. Je te rappellerai dans 2 semaines. Oui, et à ce moment-là, par exemple, rappelle-moi sur mon cellulaire. Oui, effectivement, je vais te rappeler sur ton cellulaire. Et puis, après, moi, je pourrais te rappeler, ou encore, j'utilisais le téléphone dans lequel auquel j'ai recours dans le condo, parce que je peux faire des appels partout. Assez bien, ça. Les États-Unis ou au Canada sans avoir de frais supplémentaires. Fait que Jacques, on s'en parle dans 2 semaines pour avoir des nouvelles de Vlad. Parfait. Le collaborateur Jacques Doucet.